soir au mat, du soir au matin. Vous l'auriez vu sans son instrument, pareil à un enfant qui aurait perdu ses parents. Et quand parfois entre ses doigts il tenait sa guitare, les seules pensées qui lui venaient étaient bien souvent noires. Monotone lorsqu'on n'est plus personne, rongé par le pire des désespoirs, fatigué de vivre au hasard. Il en finirait ce soir, à pied devant l'autre, direction le grand saut. Une larme au coin de l'œil, il marche sur les feuilles de cette forêt, dernier lieu traversé en cette soirée où tout a basculé. Mais au moment de sauter, frappe à la tête du malheureux. On court d'abord à la mort, mais il respirait encore. Quelques heures après, il se relevait, mais cette fois-ci il souriait. Quelque chose avait changé. Quelque chose avait changé. J'ai trop besoin de mes oreilles pour pouvoir jouer. Même si pour plusieurs années je les retrouverai, ne sachant pas où chercher, c'est par sa maison qu'il a commencé. Il fouilla tous les recoins, du salon à la salle de bain, mais ce fut en vain, car elle n'y était point. Ça y est, ça recommençait, la colère lui revenait. Il se mit à hurler, à s'en faire étouffer. Mais comme une crise de nerfs, n'ayant jamais rien résolu, il s'assit par terre et reprit du début. Il reprit du début. Oh, si j'étais une paire d'oreilles, où est-ce que je me cacherais? Si j'étais une paire d'oreilles, où est-ce que je me cacherais? Où ça, où ça? Où ça, où ça? Où ça, où ça, où ça, où ça, la la la la. Où ça, où ça, où ça. Elles ont voulu découvrir d'autres horizons, partir à la recherche de nouveaux sons. Et même si je sais que la route sera longue, je les retrouverai, même au pire. Même au prix d'un tour du monde. Voilà notre pauvre homme dans l'avion, accroché à ses illusions, qui il espère l'aideront à retrouver son audition. Au programme de cette triste affaire, visite les quatre coins de la terre. Il commença par les trois pyramides, vous savez, celles qu'on ne trouve qu'en Égypte. Fouilla, fouilla, fouilla tout l'édifice, mais sans résultat, pas d'oreille ici. Et puis ce fut au tour de celle de Pise, vous savez, cette tour d'Italie qui penche de jour comme de nuit. Fouilla, fouilla, fouilla tout l'édifice, mais sans résultat, toujours pas d'oreille ici. Épuisé, déconcerté, par de ne jamais retrouver le fruit de cette quête acharnée qu'il avait fait d'en marcher. Et il frappa de toutes ses forces dans ce gros rocher qui roula sur les bosses d'un chemin escarpé. Mais en bas, une roulotte s'était arrêtée et la pierre idiote ne put que s'y écraser à voler. Courut en bas voir s'il n'avait pas trop de dégâts. Quand un homme à la pommade se dressa alors devant lui, En effet, ses oreilles étaient là, posées sur une petite étagère en bois, en bois, en bois, en bois. Et par la suite, l'homme a appris qu'il avait vu juste. Et oui, elles avaient envie de voyager, de découvrir de nouvelles sonorités, des musiques métissées au reflet usé. Elles ont croisé la route de ces nomades joueurs de guitare qui leur ont proposé de prendre part à leur voyage. Et c'est dans cette petite roulotte que des mélodies rigolotes ont fait leur,